l'essentiel. Voilà donc, bonjour tous et à toutes, il est 13h passé de 30 minutes, bienvenue de vous retrouver comme tous les mardis après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, une très bonne matinée. Voilà aussi bien tout savant, et bien les chansons sont avec vous tout savant du matin au soir. Et bien au cours de l'émission vers 14h, et bien on écoutera tout simplement un conte de Noël. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on continue bien sûr les chansons. Et voici donc le titre, s'appelle « Emmène-moi » avec Bouvard Désert et puis suivi de Michel Sardou. Le titre s'appelle « C'est ma vie ». Et oui, on a tous, chacun, une vie différente. Donc, eh bien, voici les chansons aussi différentes. Je suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. J'suis comme on prit l'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Si facile à aimer, besoin d'une augure. Ces yeux-là, j'en suis sûr. Je l'ai bien mérité. Je parie tout sur toi, mais la mise c'est moi. C'est mon dernier cadeau. Un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne voit rien que vous. Et la somme 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un arco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai. Voici donc qui s'appelle Natacha Saint-Pierre, on peut tout essayer. Porte de la chambre immobile et refermer le piano. Quitter, quitter sans nouvelles, notre amour sur le fil n'a pas eu le dernier mot. Simplement 14h, voici donc, je vous laisse avec le conte tout simplement de Noël. Et puis on se retrouve juste après Hervé Villard. Noël de France. Des contes, des légendes, des provinces de France. Des coutumes, des traditions de la période de Noël. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les personnages de Noël de Saint-Nicolas au Père Noël. Symbole international du Noël commercial moderne, le Père Noël est toutefois une création récente. Et son apparence, sa fonction de donateur de cadeaux et le légendaire qui l'entoure, traîneau, reine, domicile au pôle Nord, sont le résultat d'une évolution dont il est facile de retracer l'histoire. Le Père Noël n'est pourtant que l'avatar ultime de deux complexes de phénomènes beaucoup plus anciens liés à la période de la mi-hiver, les personnifications de l'hiver et l'échange de souhaits et de cadeaux. Période de froid, d'obscurité et de mise en sommeil de la végétation, l'hiver a été personnifié dans toute l'Europe, selon des coutumes et des rituels variables, plus élaborés dans les pays froids et les plus proches du pôle. En Suisse, c'est le Père Chalande, le nom dialectal venu du latin « calendes », qui personnifie le cycle des 12 jours et l'amélioration alimentaire que celui-ci implique, comme l'indique cette chansonnette chantée par les enfants dans la région de Genève. Chalande est venu, son bonnet pointu, sa barbe de paille, cassons des anailles, mangeons du pain blanc jusqu'au nouvel an. C'est aussi l'année écoulée qui est personnifiée par des dictons ou des coutumes. En Écosse, un mannequin représentant la Caelich, la vieille, était fréquemment pendu. Chez les Basques espagnols, en 1922, les gens se réunissaient autour d'un grand feu pour y manger des châtaignes. Les enfants allumaient de vieux chiffons autour d'un bâton et les promenaient dans les rues du village en chantant « Brûlons le cul de la vieille année ». En Sicile, la Vieca di Natale, la veille de Noël, mannequins ou jeunes garçons déguisés en vieilles femmes étaient conduits le long des rues le 24 décembre. Les enfants armés de cornes la suivaient en criant Ohé, voici que passe la vieille de Noël. Comme Saint-Nicolas et comme d'autres personnifications, Berchta, Frau Rolle chez les germaniques et la Befana italienne, elle donne des cadeaux aux enfants sages et des punitions à ceux qui le sont moins. Selon les croyances populaires, certains êtres surnaturels ont particulièrement commerce avec les humains à la période de la mi-hiver. Dans le monde celtique et anglo-saxon, ce sont les fées ou bonnes dames et en Scandinavie, les gnomes. Le lutin de Noël, le Nisse, omniprésent dans les décorations de Noël de la Scandinavie contemporaine, est un petit nain vieux et barbu, vêtu d'un pantalon, d'un calfan gris et d'un bonnet pointu rouge. Il exige son écuelle de bouillie sucrée et beurrée et apporte des cadeaux aux enfants le soir de Noël. En tant que personnage lié à Noël et donateur de cadeaux, le Nisse est une création récente, contemporaine des premiers sapins de Noël, c'est-à-dire de la première moitié du 19e siècle. Mais les dessinateurs qui l'ont inventé se sont inspirés d'un personnage beaucoup plus ancien du légendaire scandinave, le gnome protecteur des maisons, antérieur à la christianisation et qui, jusqu'en 1840, n'a rien à voir avec Noël. Ce petit gnome s'appelait Garlbo en danois, Garlvorden en norvégien et Tante en suédois, nom indiquant son affectation à la ferme dont il était le protecteur. Le gnome protecteur n'avait pas de nom propre, mais était parfois surnommé Nis ou Nils, diminutif populaire de Nicolas, d'où le nom commun moderne du lutin de Noël Nisse. L'un des saints les plus populaires de l'Église romaine et certainement le plus important de l'Église orthodoxe, Saint Nicolas, est le saint patron de l'ancienne Russie. L'évêque, avec mitre, crosse et manteau rouge, apparaît miraculeusement et sans être vu pour venir au secours des gens en détresse et particulièrement des matelots en danger de mort, des enfants ou des jeunes démunis. Vers le XIVe siècle, Saint Nicolas se met en Bavière à faire la tournée des maisons. Les enfants fabriquent alors un petit bateau, remplacé plus tard par un sabot, l'appelant par une formulette rimée à y déposer quelque chose. Au XVIe siècle, la fiction commence à donner lieu à des mises en scène. Un adulte déguisé en Saint Nicolas va de porte en porte déposer des cadeaux dans un petit bateau, un sabot ou un panier placé devant la porte. Parfois, Saint-Nicolas restait une fiction pour expliquer aux enfants l'origine des cadeaux donnés par la famille. Récompenser et punir étaient parfois dédoublés. Il était alors accompagné d'un personnage de type croque-mitaine, appelé selon les régions Pierre le Noir en Hollande, Hans Trapp, Nesch Rupert en Allemagne, en Autriche ou en Alsace, simplement Diable en Tchéquie et en Slovaquie, Klapperpuck chez les populations allemandes d'Europe centrale. Le père Fouettard, au visage noirci et muni de verges pour les enfants méchants, attesté aussi en Alsace, est sans doute une innovation pédagogique des collèges de jésuites à partir du serviteur noir de Saint-Nicolas. Dans la plupart des pays d'Europe où Saint-Nicolas est encore actif comme distributeur de cadeaux, ce sont désormais de simples friandises ou de menus présents qu'il apporte le 6 décembre, à la différence des vrais cadeaux apportés à Noël. Si Saint-Nicolas se popularise à partir du Moyen-Âge, c'est parce que son corps a été sauvé par des matelots de la ville portuaire de Bari, qui se trouvaient en Asie mineure alors que la basilique de Saint-Nicolas a été menacée par les Turcs. Ils l'ont emporté chez eux à Bari, construit une basilique, et de là, les commerçants venant de Bari qui remontaient la Suisse, la vallée rhénane, l'Alsace, l'Allemagne, ont emporté aussi le culte de Saint-Nicolas et même jusqu'en Lorraine, puisqu'un doigt se trouve dans une basilique qui a été construite au-dessus, qui s'appelle Saint-Nicolas de Port. Cette tradition de Saint-Nicolas, patron en Lorraine, en Allemagne, ou du saint patron de la Suisse, Saint Nicolas de Flux, est ainsi attesté depuis le Moyen-Âge. Mais avec la réforme du XVIe siècle, les saints n'étaient plus en odeur de sainteté, si l'on peut dire, et il a été remplacé dans les pays protestants par un autre personnage, l'enfant Jésus, avec cette représentation figurine en cire ou en porcelaine ou même vrai bébé, confié pour une ou deux heures à une Vierge Marie volontaire et vivante au cœur d'une crèche animée. Il ne s'agit plus de personnification de la figure hivernale, mais de la figure chrétienne de Noël. La naissance d'un enfant miraculeux, pourvoyeur de toute nouveauté. Pendant de longs siècles, le seul enfant représenté dans l'art a été l'enfant Jésus. À la fin du Moyen-Âge, dans les manuscrits, les peintures et les sculptures, on le voit apparaître dans les postures plus familières. L'enfant sacré ressemble plus à un vrai bébé, avec ses proportions gracieuses et ses petites mines. Il joue avec une fleur, un oiseau ou le sein de sa mère. En réalité, de puissantes contraintes théologiques régissent les représentations de l'enfant Jésus, destinées à démontrer le mystère de l'incarnation. En montrant le bébé, en le représentant en train de téter ou de jouer, les artistes doivent signifier que le Christ était dès son enfance un vrai homme, avec ses besoins, ses peines et ses joies. En Allemagne du Nord, c'était plutôt l'enfant Jésus qui distribuait des cadeaux aux enfants, ceci à partir du XVIe siècle et de la Réforme. Ne pouvant le supplanter, Saint Nicolas devint son serviteur sous le nom de Hohe Claus. Nicolas le Velu, l'enfant Jésus, figuré par un enfant ou une jeune fille avec une bougie allumée sur la tête, et Nicolas le Velu, figuré par un adulte, allait de porte en porte distribuer des cadeaux le 6 décembre. La Réforme s'opposa violemment à cette pratique où il y avait encore le Saint Nicolas, mais comme dans beaucoup de familles catholiques d'Europe, c'est toujours l'enfant Jésus qui est censé déposer les cadeaux dans l'assiette mise à la fenêtre par les enfants ou au pied du sapin dans les pantoufles. Et en Alsace encore, pendant des siècles, c'était Christkindl, l'enfant Jésus, personnifié par une jeune fille qui était juchée sur un âne, qui allait distribuer de porte en porte les cadeaux. Et aujourd'hui encore, dans certaines familles, on dit non pas que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux le 24 décembre au soir, mais l'enfant Jésus, le Christkindl, d'où le nom de ce marché de l'enfant Jésus, qui existe encore à Strasbourg depuis le XVIe siècle, aujourd'hui au XXIe siècle, qui est très populaire en plein centre de Strasbourg tous les mois de décembre. Il a supplanté le marché de la Saint-Nicolas, qui n'était qu'autour de la cathédrale de Strasbourg, pendant le temps de l'Avent. Un des plus célèbres personnages du temps de Noël, c'est bien sûr Saint Nicolas. Voici la légende de Saint Nicolas, chantée par Henri Dès. Il était trois petits enfants qui s'en allaient gagner au champ. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu? Entrez, entrez, petits enfants, y a de la place assurément. Il était trois petits enfants qui s'en allaient gagner au champ. Ils n'étaient pas plus tôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Il était trois petits enfants qui s'en allaient gagner. Saint Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ. Alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint Nicolas, y a de la place, il en manque pas. N'était pas plus tôt entré qu'il a demandé à souper. Il était trois petits enfants qui s'en allaient gagner au champ. Voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il est pas bon. Il était trois petits enfants qui s'en allaient gagner au champ. Allez, je veux avoir qu'il y a cette enquête dans sa loi. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte il s'enfuit. Il était trois petits enfants qui s'en allaient la même au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, je suis le grand Saint Nicolas. Et le Saint étend les trois doigts, les petits se lèvent tous les trois. J'ai bien dormi, le second dit et moi aussi. Et le troisième répondit, je croyais être au paradis. Il était trois petits enfants qui s'en allaient la nuit au champ. Après l'enfant Jésus, le Christkindl, c'est au tour du Père Noël d'arriver. Le Père Noël moderne est né aux États-Unis en 1822 et a atterri en France avec le chewing-gum et le Coca-Cola. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, le Père Noël à veste rouge bordée d'hermine blanche de type anglo-saxon se répand et s'impose rapidement dans le monde entier, y compris dans l'hémisphère sud. Comme son nom Santa Claus l'indique, il s'est développé à partir de la figure de Saint Nicolas, importé par les immigrants hollandais, sans doute, sous le nom de Sint Niklaas ou Sinterklaas. Devenu Santa Claus, il allait connaître un développement indépendant. L'histoire, rimée et illustrée par un théologien américain du 19e siècle, Clemens Clark Moore, en 1823, An Account of a Visit from St. Nicholas, publié sous forme de livre en 1848, a beaucoup contribué à répandre l'image moderne du Père Noël, replet et jovial, avec sa barbe blanche, son manteau de peau, son traîneau tiré par des rennes. Avec le dessinateur Thomas Nast en 1863, le Père Noël est pour la première fois domicilié au pôle Nord et son apparence physique, multipliée par les cartes de Noël, envahit l'Europe. Dans les années 1950, en France, le vieillard rouge rencontra quelques hostilités auprès des catholiques. Des personnalités ecclésiastiques fulminèrent contre cette incarnation païenne détrônant le petit Jésus dans le cœur des enfants. À Dijon, à Noël 1951, le Père Noël fut condamné comme usurpateur et hérétique. Son effigie fut brûlée sur le parvis de la cathédrale Saint-Bénigne, alors que l'édition du 24 décembre de France Soir annonçait la résurrection à l'hôtel de ville du Père Noël, assassiné la veille. Et dans son ouvrage « Le Père Noël supplicié », Claude Lévi-Strauss conclut « Grâce à l'autodafé de Dijon, voici donc le héros reconstitué avec tous ses caractères et ce n'est pas le moindre paradoxe de cette singulière affaire qu'en voulant mettre fin au Père Noël, les ecclésiastiques concernés n'aient fait que restaurer dans sa plénitude, après une éclipse de quelques millénaires, une figure rituelle dont ils se sont chargés, sous prétexte de la détruire, de prouver eux-mêmes la pérennité. » En cette année 1951, le Père Noël fut encore condamné devant le Soviet suprême soviétique et dans l'Espagne. Même les instances de l'ONU le mirent en accusation comme mythe dangereux sapant chez l'enfant l'esprit universel indispensable à l'homme pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. L'imaginaire et le commerce ont repris leurs droits et nul ne songe aujourd'hui à empêcher ce mythe polyvalent de faire rêver petits et grands. Pour les enfants d'Espagne, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux dans la nuit du 5 au 6 janvier. La foule acclame leur passage dans les rues de Barcelone, de Madrid. Devant chaque maison, ils trouvent un seau d'eau pour leurs chameaux et un plateau de friandises et de boissons destinés à les soulager des fatigues du voyage. En retour, dans les petits souliers déposés par les enfants devant les portes ou sur les balcons, ils déposeront les cadeaux cachés dans leur havresac. En Grèce, c'est Saint Basile qui donne des cadeaux aux enfants traditionnellement le 1er janvier, jour de sa fête, mais de plus en plus la veille de Noël. En Italie du Nord, c'est surtout Sainte Lucie qui apporte des cadeaux le jour de sa fête, le 13 décembre. Mais dans le reste du pays, c'est la Befana, altération de Epiphania, le 6 janvier. Malgré son allure de sorcière, les enfants lui vouent une tendresse particulière. Ils savent que c'est elle qui a indiqué leur route aux mages et que Saint Joseph, ému par sa tristesse, lui a fait savoir que l'enfant roi s'était désormais incarné dans tout enfant. En Russie, une légende très ancienne fait de la vieille Babouchka une généreuse distributrice de cadeaux. Remplacée au XXe siècle par le père Gel et la petite fille Neige, partie en retard à cause du froid, elle parcourt le pays chaque année à l'Épiphanie, une hotte remplie de présents sur son dos et distribue un cadeau à chaque enfant. En Allemagne, Berchta ou Prechta est une déesse de la mythologie nordique, dont la venue terrifiait les enfants tout en portant bonheur. Quittant le 6 janvier, la chevauchée fantastique de l'armée des morts, conduite par le dieu Wotan, elle allait distribuer des cadeaux dans les foyers. Connue dans le sud, elle est remplacée dans le nord par Frau Holle. Ces deux personnifications féminines surveillent les fileuses et inspectent la propreté des foyers. Et c'est ainsi que pour aujourd'hui, nous quittons le Saint-Nicolas, le Père Noël et tous ces personnages qui peuplent l'imaginaire de Noël. À très bientôt sur nos ondes pour de nouveaux Noël de France et d'ailleurs. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc après le conte de Noël, voici, on continue bien sûr les chansons. Et voici Hervé Villard, le titre c'est pour Que je t'aime. Après, on écoutera tout simplement pour Véro, voici Céline Dion avec le titre Amour et d'amitié, puis suivi de Goldman. Pour les fonds marins de tes yeux qui éclairent ma vie tout en bleu, j'ai des fantasmes aux couleurs d'eau. Des nuits garanties d'histoire d'eau, oh, oh, oh, pour tes armes de fond bleu ciel, ton jardin sacré naturel. Je dépose des lames des cristaux sur un corps bercé par les flots. Oh, oh, oh. C'est pour ça que je t'aime, que je t'aime. À noyer tous les regrets qui t'appartiennent. C'est pour ça que je t'aime, oui, que je t'aime. À m'en perdre de chercher où tu m'entraînes. Emporte les hommes et les femmes dans les bleues nuits où naît le jour et ramène l'enfant de l'amour. Oh, oh, oh, pour les vagues et les coups du sort, contre l'orage, les mises à mort. Que je t'aime, que je t'aime. À noyer tous les regrets qui t'appartiennent. C'est pour ça que je t'aime, oui, que je t'aime. I can give you a voice paired with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry the thoughts and the songs we sing. Te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Son souvenir sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Voici donc 100% Johnny Hallyday. Et bien ensemble, pour la chanson de Johnny, ça fait déjà 5 ans de son décès, puis un hommage, tout simplement, vendredi, tout simplement, à la cathédrale d'Orléans, tout simplement, le matin, à partir de 9h. Dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Connaître mieux. Chacha Distel, Flip Flip, et puis juste après, du disco. Comme Beethoven, j'ai composé quelques refrains. Comme Jean Racine, j'ai écrit des alexandrins. J'ai même fait des fugues comme Jean-Sébastien. Du fond de Katmandou jusqu'en Extramadour, je suis allé partout et j'en reviens toujours. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts et souvent des bas, bas, bas. J'ai connu la désespérance, vers le cap de bonne espérance. Maintenant, c'est la délivrance. Et je vais, je me sens bien et je vais. Je ne crains plus rien et je flippe, flippe, flippe. Je suis l'amoureux. Je flippe, flippe, flippe. Plus de problèmes et je flippe, flippe, flippe. Elle dit je t'aime et je flippe, flippe, flippe. Je suis l'amoureux. C'est elle, pour moi c'est tout. Elle n'a plus de charme que la reine de Saba. Bah, bah, bah. Je ne suis pourtant pas un premier communien. Je connais les plus belles filles du département. Et même celles de Grande-Bretagne, des Pays-Bas. Bah, bah, bah. Je me sens bien et je flippe, flippe, flippe. Je ne crains plus rien et je flippe, flippe, flippe. Je suis amoureux. Je flippe, flippe, flippe. Plus de problèmes et je flippe, flippe, flippe. Elle dit je t'aime et je flippe, flippe, flippe. Je suis amoureux. Thank you. toujours dans le disco avec Otawan. Voici quelques chansons portugaises. Why? extremamente dias, sem saber o que fazer. Deixavas-me sozinha e as brotas era tchê. À noite te esperava na minha humilde casa e tu com toda a malta nem sequer me ligavas. O que eu vivi é triste, mas vou-te dar o troco. Eu vou convir a milho e tu vais ficar louco. Hoje estou combinada com te ser e eu lá vou. Avisa a rapaziada, a mãe já chegou. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lelê lê, dançando para ver em quem mora compra a mexer. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lelê lê, dançando para ver. Diz agora o que vais fazer. Eu é que estou certa, mulher. Vamos todas para o tchê tchê tchê fazer o lelê lê. Sempre me mentias, sem saber o que fazer. Deixavas-me sozinha e as brotas. À noite te esperava na minha humilde casa e tu com toda a malta nem sequer me ligavas. O que eu vivi é triste, mas vou-te dar o troco. Eu vou convir a milho e tu vais ficar louco. Hoje estou combinada com te ser e eu lá vou. Avisa a rapaziada, a mãe já chegou. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lê lê, dançando para ver em quem mora compra a mexer. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lê lê, dançando para ver. Diz agora o que vais fazer. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lê lê, dançando para ver em quem mora compra a mexer. Eu estou no tchê tchê tchê a fazer o lê lê, nós viemos do Brasil pra cantar em Portugal e beber um bagacinho bom vinho pra gente ficar quentinho e o show ficar legal. E beber um bagacinho bom vinho pra gente ficar quentinho e o show ficar legal. Já cantamos de norte a sul, nos Açores até no Puxal. E dançamos um malhão e um vira-vira com duas mocinhas giras numa festa no arraial. E dançamos um malhão e um vira-vira com duas mocinhas giras numa festa no arraial. Ai que gente hospitaleira, terra assim não existe igual. Só aqui é que comemos com certeza um cozido à portuguesa e aquele bacalhau. Só aqui é que comemos com certeza um cozido à portuguesa e aquele bal. Já é pena irmos embora, mas o show já chegou ao final. Brigadão a vocês com carinho, ai que saudade, até breve Portugal. A vocês com carinho, ai que saudade, até breve Portugal. Já é pena irmos embora, nosso show já chegou ao final. Un amour de la femme. Voici donc Herbie Hancock, Rockick. Et puis juste après, Tragédie. Et oh. Thank you. sais que tu es là, mais tu n'entends pas. Qu'en bas de chez toi, je t'appelle et tu ne réponds plus. Je sais que tu es là, mais tu n'entends pas. Qu'en bas de chez toi, je t'appelle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Est-ce que je suffirai, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu m'aperçois? Car en bas de chez toi, je fais les 100 pas. Est-ce que tu me vois? Dis-le-moi. Ah, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Touche-moi, je suis là. Chose que j'attends, c'est juste que tu descendes. Trop longtemps que j'attends, je commence à perdre patience. J'ai appris que tu aimais ça, faire languir tous les mecs comme moi. Que celui qui s'acharnera, ça sera lui que tu choisiras. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu, m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Touche-moi, je suis là. Arc-en-Ciel. Franck Miguel avec tout simplement Carnaval d'amour. Bye.

beating up on the rhythm and make the whole sound sweet. Not like candy, you taste that, say it can be. YMCOU, too good to be true, and you agree. I got to this beat is, this beat is, this beat is electronic. This beat is, this beat is, this beat is electronic. This beat is, this beat is, this beat is electronic. This beat is, this beat is, this beat is electronic. And the jam is, and the jam is, and the jam is, and the jam is, and the jam is, and the jam is, and the jam is, and the jam is. Voici donc le groupe Tout Simplement Image avec Tout Simplement Les Démons de Minuit. Je veux te trouver quelqu'un de fou. Voici donc Kenji Jarak avec toi. Et bien juste après Christophe Wien. J'ai décroché ma belle étoile, comme firmament de tes journées. J'ai découvert mon torse nu pour recouvrir tes mains gelées. J'ai laissé mon château en feu pour apaiser ta solitude. J'ai rendu mon père malheureux, mais gagné toute ta gratitude. Changer de rive à pas si je viens avec toi. Alors sache que si tu t'en vas, je serai à la dérive et j'irai mourir au pied de la porte de chez toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé, comme je n'ai jamais aimé, comme si je voyais en sans rien trouver de plus puissant. J'ai les jambes qui me tiennent à peine, mais mon cœur est fort et persistant. J'ai frappé à la porte d'un roi pour aller prendre de tes nouvelles. Il m'a dit sur terre aucun trésor n'est plus beau que celui qui t'émerveille. Changer de rive à pas si je viens avec toi. Alors sache que si tu t'en vas, je serai à la dérive et j'irai mourir au pied de la porte de chez toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé, comme je n'ai jamais aimé, comme si je voyais enfin ce qu'est l'amour avec toi. Je Je sais pourquoi c'est pas.

Voilà donc, eh bien, ils sont tous à sa fin, cette chanson-là, qu'on va se dire bonsoir avec Gilbert Montagnier. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à vous toutes, et donc j'espère que vous avez passé un bon après-midi, on se retrouve prochainement, voilà donc, et je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Quand on s'aimait si fort, derrière les volets fermés, qui savait dehors que l'on s'était aimé, mais pourquoi j'y pense encore? Certo, vamos ter notícias. Regresso logo depois para a segunda parte da tarde da RDP Internacional. Hoje é terça-feira, dia de visita consular com a Subdiretora-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Maria Manuela Durão. Na edição de hoje vamos falar sobre o programa Regressar. Não te vais importar que não siga este tom. Por mais baixo que seja, cantarei sempre com a alegria da chuva torrencial e a calma da noite perdida num vendaval. E assim seguiremos os planos cortados, rasgados já há tempo por este amor mal amado. E assim continuo, sem regras nem escalas, a escrever a tua voz, mesmo quando te calas. Não me leves a mal esta insatisfação, o coração mais alto também cai ao chão na dor da manhã. Noite na brisa que passeia. E assim seguiremos os planos cortados, rasgados já há tempo por este amor mal amado. E assim continuo, sem regras nem escalas, a escrever. vista. Perto do coração. Três horas em Portugal Continental e na Madeira, são duas nos Açores. No topo da atualidade... O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil mantém os dois dias de greve previstos para esta semana. Os tripulantes da TAP decidiram também avançar com mais 5 dias de paralisação. Vão ser agendados até ao final de janeiro. António Costa já está a caminho do Qatar para assistir ao jogo de logo à tarde entre Portugal e a Suíça. O Primeiro-Ministro diz que depois deste encontro só vai regressar ao Qatar para assistir à final do Mundial, caso a seleção portuguesa lá chegue. O Chega considera que a proposta de referendo à eutanásia apresentada pelo PSD viola a Constituição pelo facto de já ter sido apresentada uma proposta idêntica no Parlamento nesta sessão legislativa. O dia de amanhã terá uma pequena subida da temperatura máxima, se bem que se trata de uma quarta-feira cinzenta e com chuva fraca. Madeira também com chuva na previsão, que pode localmente ser intensa e acompanhada de trovoada. Para os Açores, há chuva também por vezes forte na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta altura, no Porto estão 14 graus, 16 em Lisboa, 17 em Faro e em Ponta Delgada e 22 no Funchal. As notícias às 3, a edição é de Frederico Moreno. A TAP vai enfrentar uma nova greve dos tripulantes de cabine. Para além dos 2 dias de paralisação previstos para esta semana, o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil aprovou hoje a marcação de novos protestos. Os trabalhadores estiveram reunidos em Assembleia Geral e decidiram avançar com pelo menos mais 5 dias de greve até ao final de janeiro. As datas em concreto vão ser definidas e comunicadas mais tarde, como explicou a